Alors que d'autres émissions de France Culture vous parleront cette semaine de révolte à l'occasion des 10 ans des émeutes de Clichy-sous-Bois, et bien c'est le cas en particulier des nouveaux chemins de la connaissance ou des nouvelles vagues, et bien la Fabrique de l'Histoire a choisi cette semaine de traiter des images de la révolte au XVIIe, XIXe ou XXe siècle. Demain, le documentaire de Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury nous conduira à Rennes pour voir un tableau, une allégorie de la révolte du papier timbré. Mercredi, nous vous expliquerons comment la photographie s'est emparée des révoltes du 19e siècle. Et jeudi, nous parlerons de cinéma Art Nouveau qui a reconstitué bien des révoltes en 100 ans sur pellicule. Nous allons ce matin, en seconde partie, avoir le bonheur de recevoir l'historien Marcus Rediker, grand spécialiste d'histoire de l'esclavage, qui après avoir conçu son formidable À bord du Négrier, c'était il y a 2 ou 3 ans, nous raconte maintenant les révoltés de l'Amistad, ceux qui en 1839 refusèrent de devenir esclaves dans une plantation cubaine. Auparavant, en première partie de cette émission, nous avons le grand plaisir de recevoir le professeur au Collège de France Henri Laurence, qui publie le 5e tome de sa Question de Palestine consacrée aux années 1982 et 2001. Et pour commencer cette émission, comme chaque lundi, poursuivons notre feuilleton sur la fabrique de la guerre froide. Aujourd'hui, Anaïs Quien nous emmène en Iran. Nous sommes en mars 1946. We must remember that Australia, New Zealand and Canada President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb. I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy. La fabrique de la guerre froide. Mars 1946. Le Conseil de sécurité de l'ONU est saisi d'une des crises les plus graves de l'après-guerre. L'Union soviétique est mise au banc des accusés par l'Iran. La tension monte entre les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Совет безопасности вот уже второй день. That's Mr. Gromyko proposing to the Security Council that the hearing of the Persian case should be postponed. His proposition was cogently opposed by America's Secretary of State, Mr. Burns. C'est au Conseil de sécurité des Nations Unies parce que, en fait, l'armée rouge est présente au nord de l'Iran. Pierre Grosseur. Il faut revenir l'été 1941, il y a une entrée préventive donc des soviétiques en Iran pour empêcher que les nazis et une influence importante en Iran, donc au sud de l'Union soviétique. Ça, c'est la première chose. Et donc, l'Iran était un nœud absolument essentiel pour envoyer de l'aide à l'Union soviétique. C'est une des routes essentielles. Les Anglais sont au sud et les Russes sont au nord. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement très, très ancien, puisque l'Iran est un état tampon entre la progression de l'Empire russe vers le sud et la progression de l'Empire britannique vers le nord, et la protection de la fameuse route des Indes. Donc les Iraniens ont toujours l'habitude d'être obligés de gérer les Russes, les Anglais, et de jouer un peu les uns contre les autres. Et en même temps, ils ont toujours l'impression qu'ils sont pris en sandwich entre ces deux grandes puissances. Et donc, il y a un accord qui est signé en 1942 pour dire qu'après la fin de la guerre, eh bien, ces troupes britanniques d'une part et soviétiques d'autre part s'en iront. Et Staline a des ambitions en Iran, non pas du tout de conquérir l'Iran, mais d'avoir un Iran, disons, assez favorable à l'Union soviétique. Et là, il va essayer d'agiter l'irrédentisme azéri, c'est-à-dire que vous avez une république d'Azerbaïdjan à l'intérieur de l'Union soviétique, et vous avez des azéris en Iran. Et donc, au-delà même de ses ambitions de jouer la carte de l'irrédentisme azéri ou de la volonté de réunification des azéris, son autre arme, c'est d'essayer d'avoir en Iran même, dans le pouvoir central, un parti favorable à l'Union soviétique. Et donc, il fabrique en grande partie ou il favorise la création du parti Tudé, qui n'est pas exactement le parti communiste. Le parti communiste avait été décimé par Reza Shah dans les années 30, mais un parti favorable qui est le parti Tudé. Et donc, il espère obtenir des concessions pétrolières au nord, comme les Britanniques ont des concessions pétrolières au sud. Et donc, évidemment, la question pour l'Iran, c'est de faire partir les Soviétiques, l'armée rouge, de reconstituer la souveraineté, évidemment, de l'Iran, et d'avoir une autonomie et une indépendance complète. The president announces the failure of the Soviet proposal to postpone. Tolian feather not carried. Mr. Gromyko and the other Russians then walked out. Their dramatic exit seems to have caused no obvious reaction at the time. Though we can imagine what most of those present were thinking. La délégation soviétique s'en va parce que voilà, elle supporte pas d'être mise en accusation. Et ce qui est important, c'est qu'évidemment, au tout début de la naissance de l'ONU, l'Union soviétique est vraiment en minorité. C'est elle qui est mise régulièrement en accusation sur à peu près tous les dossiers. Ensuite, le glissement se fait quelque peu puisqu'il y a quand même tout un discours anticolonial. Et c'est évidemment c'est les Français, les Britanniques qui sont plutôt en difficulté. Et dans ce cas-là, on a plutôt l'impression, en regardant ça, que l'Iran est l'instrument de l'hégémonie anglo-américaine. Dans la réalité, en fait, il y avait vraiment une certaine autonomie de l'Iran. Et justement, quand il y a eu les négociations entre l'Iran et l'Union soviétique, les Britanniques étaient très inquiets. Et donc, c'est aussi une réflexion sur la guerre froide qu'il faut avoir, c'est que tout n'est pas manipulé par les grandes puissances, tout n'est pas un jeu de grandes puissances, et qu'il y a une vraie capacité des petits pays, entre guillemets, de jouer des rivalités entre les grandes puissances, et finalement de s'en tirer plutôt bien. Et donc, en fait, il y a beaucoup de négociations qui ont lieu avec le gouvernement iranien, notamment avec le premier ministre Kavam. Des négociations qui sont très très bien menées par les Iraniens, qui sont des très bons négociateurs, on en entend beaucoup parler en ce moment. Et donc, petit à petit, Staline fait un certain nombre de concessions sur le fait qu'il y aura une promesse de concessions pétrolières. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au moment où les Soviétiques retirent l'armée rouge, c'est-à-dire au printemps 1946, eh bien ensuite, aucune de ces concessions ne seront finalement confirmées. Donc finalement, Staline a joué pour pas grand-chose sur cette crise iranienne ? À l'arrivée, il n'obtient pas grand-chose. Je crois que ceux qui gagnent vraiment dans la crise iranienne, ce sont les Iraniens. Ils obtiennent le départ des troupes soviétiques, finalement, avec pratiquement aucune concession. L'autre pays qui est victorieux, ce sont d'une certaine façon les États-Unis, parce qu'eux vont obtenir des concessions pétrolières. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les Britanniques qui sont très largement aussi impérialistes que les Soviétiques, si c'est pas plus dans cette affaire, qui s'aperçoivent que face à l'Union soviétique, ils n'ont pas toujours les moyens de peser et qui, en gros, tirent la manche des Américains en agitant la menace soviétique, l'expansion soviétique, etc. Et donc, finalement, les Américains viennent à leur rescousse pour qu'ils gardent des avantages au sud de l'Iran. Voilà pour ce nouvel épisode du feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide. Je vous rappelle qu'il est diffusé tous les lundis en ouverture de l'émission. Il est signé Anaïs Quin et Séverine Cassard et vous pouvez le télécharger séparément du reste de l'émission pour garder avec vous l'ensemble de cette série donc qui a commencé au mois de septembre mais qui durera toute cette année. Bonjour Henri Laurence. Bonjour. Une guerre froide, on aurait pu en parler avec vous puisque vous avez travaillé donc pour un programme avec Columbia sur la guerre froide en Méditerranée, mais vous avez traité de tellement de sujets que c'est difficile de ne pas en avoir un qui corresponde à votre champ de compétences, en l'occurrence Henri Laurence. Et là, vous continuez sur votre grand œuvre, je dis tout à l'heure, commencé au milieu des années 90, publié pour le premier tome en 1999. Ça s'appelle « La question de Palestine ». Et ça s'interrompt donc avec ce cinquième tome, ça s'arrêtera en 2001, avec ce tome 5, « La paix impossible ». Tout compte fait, en couverture de ce tome 5, on y voit Bill Clinton, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se serrant la main, cette fameuse photographie. Et il y a deux jours, en Israël, il y a une grande manifestation pacifique, rendait hommage à Yitzhak Rabin. En l'occurrence, vous êtes encore dans l'actualité, mais on est toujours dans l'actualité quand on parle du Proche-Orient. Bon, de toute façon, moi je suis dans une histoire en marche, j'ai pas besoin de me fatiguer, mes acteurs passent leur temps à changer et se bouleverser. L'absence de prédiction, il se passe quelque chose tous les deux mois qui change fondamentalement les choses depuis 2003 au moins, voire 2001. C'est d'ailleurs assez compliqué parce que quand on se plonge dans ce cinquième tome, comme d'ailleurs dans les précédents, on s'aperçoit à la fois de la nécessité d'être encyclopédique, ce que vous êtes pour cette question de Palestine, c'est-à-dire de ne pas oublier la moindre agression palestinienne sur les Israéliens, la moindre agression israélienne sur les Palestiniens, etc. Et en même temps de faire une synthèse et donc de donner plus ou moins un sens à l'histoire. Bah, de toute façon, il fallait d'abord faire une description. Et avant de pouvoir réfléchir sur le sujet, les historiens doivent d'abord faire une reconstitution de l'enchaînement des faits. Or, ce travail, à ma connaissance, j'ai la prétention de dire, ce travail n'avait jamais été fait avant moi. Je l'ai pris sur deux siècles Et donc, j'ai reconstitué de façon extrêmement attentive les séquences chronologiques successives jusqu'à 2001. Là, les héros sont fatigués, les acteurs aussi d'ailleurs. Et donc, j'arrête à 2001. Alors, ces héros ou ces personnages, ce sont ceux qu'on a connus il y a maintenant une trentaine d'années, mais pour certains d'entre eux, ils sont encore présents. On y croise évidemment Benjamin Netanyahou, on y croise Abou Mazen, on y croise d'autres de ces acteurs. Beaucoup d'entre eux sont néanmoins morts, et souvent morts de morts violentes, Béchir Gemayel ou encore Yitzhak Rabin et d'autres qui peuplent cet ouvrage, qui montre que pendant toute cette période de 1982 à 2001, on passait son temps à croire que la paix était possible et qu'elle était toujours repoussée. Ben, disons surtout le fait fondamental, c'est que la question palestinienne est revenue à l'ordre du jour. 1982, je démarre sur la guerre du Liban, c'est la première guerre israélo-palestinienne. Et dans la mesure où on ne peut pas éliminer les Palestiniens, ce que démontre la guerre du Liban, ben, il faut essayer de négocier avec eux. C'est donc le contexte des années 1990. Et c'est aussi des acteurs qui changent, qui bougent. Vous montrez comment Yitzhak Rabin change et bouge tout au long de cette période-là, comment d'autres acteurs, Ehud Barak ou d'autres, changent et bougent, comment aussi Yasser Arafat est obligé de changer et de bouger, Henri Laurence. Oui, bah, de toute façon, les conjonctures ont changé. Au début des années 80, on est encore dans la guerre froide, on est même dans une seconde guerre froide, celle des années Andropov, et on voit par exemple le réarmement de la Syrie par l'Union soviétique. À partir de 1991, c'est la disparition de l'Union soviétique, l'écrasement de l'Irak, et donc on est dans les 10 ans, 15 ans d'hyperpuissance américaine, selon l'expression de Monsieur Vindrine, où on croit qu'en un sens tout est possible dans un nouvel ordre mondial. Et puis à partir du 11 septembre 2001, les choses vont encore se changer. Ce qui est très intéressant dans cette question de Palestine, c'est que vous montrez comment il n'y a pas une politique suivie par exemple par les États-Unis, mais des politiques possibles, comment on change de pied parfois, comment à l'intérieur même du département d'État on n'est pas d'accord, comment sous Ronald Reagan, alors qu'on a une image relativement monolithique de Ronald Reagan, il y a plus de possibilités qui sont offertes que ce que l'on croit extérieurement. Et évidemment, vous concluez d'une certaine façon en parlant de ce que vous appelez la politique de gribouille des États-Unis au Proche-Orient depuis 1967. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bah, c'est pas une politique. Je veux dire, vous avez des positions affirmées dès juin-juillet 1967, et en ce sens-là, il y a continuité. Mais en même temps, c'est une continuité d'abandon de la politique américaine. C'est-à-dire les États-Unis ont d'abord commencé par l'ère 67 du respect de l'intégrité territoriale de tous les États de la région, puis ils ont ensuite dit le respect de l'intégrité territoriale après le règlement de paix, c'est-à-dire que c'est pas sous la référence de la situation antérieure au règlement de paix. Ils ont voté une série de résolutions au Conseil de sécurité expliquant que Jérusalem était un territoire occupé et que la colonisation était nulle et non avenue, de même pour les autres territoires occupés. Et puis, progressivement, tout cela se dissout par devenir une entrave au processus de paix, une gêne, il y a une réduction permanente. Alors, au-delà, je crois qu'il y a un problème de culture politique du côté arabe et européen. Nous avons une culture fondée sur le droit, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de textes de référence pour amener à la négociation et au processus de paix. Du côté américain, on a plutôt l'impression qu'on a une culture du marchandage comme entre un patron et des syndicats. Donc c'est du donnant-donnant. C'est curieux parce qu'on pourrait penser le contraire, a priori. Absolument. Puisqu'on pense que les États-Unis sont justement une culture politique qui est fondée sur la question du droit. Oui, non, mais dans le cas précis, alors pour le reste, j'ai une formule qui, je ne sais pas si je l'ai dit dans le livre, mais qui, du côté palestinien et israélien, résume tout. Les Palestiniens ont le droit pour eux, mais ils n'ont pas la force pour l'appliquer. Les Israéliens ont la force, mais ils n'ont pas le droit. Et dans la mesure où l'un et l'autre s'opposent, on est dans les impasses qui se continuent aujourd'hui. Cela dit, comme j'ai essayé de le montrer dans le livre, malgré tout, il y a eu un moment où on pouvait espérer. Avoir une conclusion. Effectivement. Alors, ce moment, c'est effectivement ce moment des années 90. Et d'une certaine façon, votre livre embrasse les deux parties. Il embrasse ce que vous appelez la continuation, voire le durcissement de la guerre froide. C'est plutôt les années 80-90, jusqu'au début des années 90. Et puis, à partir du début des années 90, quelque chose qui s'ouvre au moment, au profit justement de la chute de l'Union soviétique et de ses satellites, d'une sorte de désorganisation de l'ordre international pendant une courte durée. Et c'est évidemment ce moment-là où on profite, ce sont les négociations d'Oslo, c'est la croyance que on va pouvoir en sortir. Et ce que vous expliquez aussi, c'est que c'est exactement ce moment aussi de naissance de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'un islam radicalisé, d'un islam militarisé. On est dans votre livre en plein cœur de la naissance du Hezbollah, du djihad islamique, du Hamas, toutes organisations dont on a entendu parler beaucoup depuis Henri Laurence. Oui, alors on a à la fois les États-Unis comme puissance hégémonique régionale, et en même temps, à partir de 1979, une incompréhension par les États-Unis des transformations de l'espace. Alors, j'étais aussi acteur à l'époque, enfin comme commentateur, donc je ne suis pas nécessairement non plus en position de dire que j'avais raison à tel moment. Ou à tel moment, mais par exemple, l'expression « archéide » que nous utilisons aujourd'hui... L'archéide. Oui, vient en fait de l'expression de Brzezinski, qui était le conseiller à la sécurité nationale de Carter, qui disait « arc of crisis », l'arc de crise. Et donc, successivement, les Américains comprennent la révolution iranienne dans une logique de guerre froide, d'où la situation absurde de mettre en place des troupes américaines pour intervenir en Iran, pour combattre l'entrée des troupes soviétiques en Iran. Donc, ils sont complètement à côté de la révolution iranienne. De quelque chose qui naît et qui est très différent de ces schémas anciens sur lesquels ils sont fondés, c'est ce que voilà. Je voulais dire. Et puis de l'autre part, il y a la réaction sunnite à la révolution iranienne et surtout à la prétention chiite d'exercer une hégémonie sur l'islam qui va se construire dans le djihad afghan. Et ce djihad afghan deviendra ensuite, justement, dans les années 1990, le djihad international. Donc, dans ce moment, les chocs d'aujourd'hui sont en train de se construire. Mais ça nous rappelle un principe fondamental de la science historique, c'est que les historiens sont excellents à prédire le passé. Oui, effectivement, on est les meilleurs pour prédire le passé, mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on y voit naître cette première intifada aussi, puis il y aura la seconde, et vous la décrivez également. Aujourd'hui, on parle, mais en est une, d'une troisième intifada. Donc, on voit aussi des formes politiques qui naissent, des formes politiques inédites. Vous avez parlé de la forme politique de la révolution islamique, c'était relativement inédit, c'était inédit à ce moment-là, mais aussi des formes de protestation inédites comme cette première intifada, cette guerre des pierres, etc. Henri Laurence. Oui, la première intifada, qui était au départ un mouvement spontané, même s'il ensuite a été repris par les deux puissants, enfin, le mouvement palestinien, soit le Fatah, soit le Hamas, qui naît à cette occasion, s'en était tenu aux règles générales de la lutte entre guillemets pacifique, c'est-à-dire que le point fondamental de la première intifada était le refus d'utiliser des armes à feu, même s'il y avait des violences. Et là, on trouve dans cette première intifada les enseignements qui commencent à se diffuser. Bon, c'est un peu tôt pour l'Internet, mais dans la réseau international d'ONG, etc., des méthodes de la résistance non violente. Et puis cette intifada-là, bon, en 91-92, elle agonise sous le coup de la répression, évidemment, et elle se transforme en intifada des couteaux exactement comme aujourd'hui. Et on voit en 92, au moment où Rabin arrive au pouvoir, exactement les mêmes réactions de peur de la population israélienne que l'on voit maintenant. Ce qui est tout à fait impressionnant et tout à fait évident, c'est la naissance de ces nouvelles cultures de la révolte, pourrait-on dire, mais aussi leur popularisation par les images. On est dans une semaine qui est consacrée aux images de la révolte. On va parler dans un instant avec un autre historien, Marcus Rediker, de l'Amistat et des représentations très rapides qu'a pu avoir cette révolte d'esclaves aux États-Unis au tout début du 19e siècle. Mais c'est vrai que là, on est dans cette utilisation de l'image par les uns et par les autres, permanente tout au long de la période qui court dans ce cinquième tome de la question de Palestine. Henri Laurence, entre 1982 et 2001. Vous commencez évidemment par Sabra et Shatila, mais vous continuez par l'utilisation d'autres images tout au long de la période, et on voit bien que cette question des images est essentielle, le contrôle des images, mais aussi comment les images vous échappent d'une certaine façon. Absolument. Prenez l'image du petit enfant tué par l'armée israélienne au début de la seconde intifada. Le choc émotionnel est lié à un puissant réseau symbolique qui renvoie des siècles d'histoire, dans la mesure où d'un côté vous avez l'accusation de crimes rituels porté contre les Juifs qui étaient censés tuer des enfants au moment de la Pâque. Donc c'est le Juif tueur d'enfants. Cette image-là avait été renversée par l'autre image, qui était le petit enfant du ghetto de Varsovie devant l'ESS. Et maintenant, c'est l'enfant arabe ou palestinien de Gaza qui reprend la place par rapport à l'enfant du ghetto de Varsovie. On pourrait continuer, puisque aujourd'hui, nous avons vu ces jours-ci une dernière image de ce cycle d'enfants, qui est celui du réfugié kurde, enfant kurde noyé à 4 ans. Sur une plage turque. Et on peut voir comment ces images se construisent, s'engendrent elles-mêmes, non pas dans leur fabrication, mais dans leur résonance dans les audiences et les cultures. Vous voulez dire que il faut toujours penser, quand on pense en histoire, à une sorte de passé, non seulement des références, puisque vous évoquez évidemment la question de la référence au nazisme omniprésente dans les discours d'un côté comme de l'autre entre Israéliens et Palestiniens, les Palestiniens accusant les Israéliens d'agir comme des nazis et les Israéliens accusant les dirigeants de l'OLP d'être eux-mêmes des nazis. Donc il y a ces références qui sont des références donc lourdes d'histoire, pourrait-on dire, d'une histoire plus récente, mais il faut toujours avoir en tête d'autres références, y compris iconiques, qui servent mieux à comprendre l'histoire que l'on traite, Henri Laurence. Je crois que de toute façon, dès qu'on est dans l'image en histoire, on puise entre autres dans des répertoires très anciens qui sont liés à la peinture figurative européenne, et une image, une photographie n'a souvent d'impact que parce qu'elle nous renvoie à des répertoires d'images entre le XVIe et le XIXe siècle dans la culture occidentale ou éventuellement d'autres cultures. Vous voyez une vague, une photo de vague, vous pensez à la célèbre estampe japonaise sur la vague. C'est-à-dire donc nous percevons les images à travers nos héritages culturels. Et pourtant, dans des espaces culturels dans lesquels parfois, à certains moments de l'histoire, la question de l'image était mise de côté, aussi bien d'ailleurs dans l'espace byzantin avec la querelle des iconoclastes, ou alors dans l'espace ottoman, parfois, avec la volonté de ne pas représenter les êtres humains. Et pourtant, ça fonctionne encore, selon vous. Vous savez, sur Proche-Orient, vous êtes inondé d'images. Et c'est une foutaise de croire qu'ils sont aniconiques. Un de mes regrets avait été une photo que j'aurais dû prendre, mais que j'avais jamais prise. C'était en 1991 dans la Beka. Il y avait des panneaux lumineux, des lampadaires. Et sur chacun des lampadaires, il y avait des photos d'Ayatollah. Et au-dessus de la photo de l'Ayatollah, il y avait une publicité avec une femme en décolleté pour des cigarettes. Et la légende de la photo était « A taste of future », un goût du futur. C'était absolument extraordinaire parce que ça se répétait de lampadaire à lampadaire. Et les cultes de la personnalité dans la région du Moyen-Orient, j'ai vécu dans la Syrie d'Assad, ou si vous allez dans la banlieue sud de Beyrouth, bien ou dans sûr, le sud... Dans le fief du Hezbollah. Là, vous avez des images partout, soit d'Ayatollah Barbu, soit de ces espèces de portraits du Fayoum répétés à l'infini, des martyrs tombés dans la lutte contre Israël. Donc cet ouvrage est le dernier tome d'une longue série. Vous continuez à enseigner bien évidemment au Collège de France et vous allez faire un saut dans le passé parce que parfois quand on traite d'une histoire trop chaude, on se retrouve pris dans des polémiques, ce qui vous arrive régulièrement, Henri Laurence, comme d'autres historiens du Proche-Orient. Et donc là, vous allez repartir bien plus loin dans le passé, dans le 19e siècle. Non, je crois que surtout un problème de santé mentale. D'un côté, je passe la moitié de mon temps à commenter l'actualité dans diverses instances, soit journalistiques, soit think tanks ou autres. Donc j'ai besoin quand même de prendre un peu de recul. Donc avec un immense plaisir, je replonge sur le 19e siècle, même si évidemment ce que j'analyse dans la seconde moitié du 19e siècle a des échos sur la situation contemporaine. La naissance peut-être d'un islam un peu plus radical, par exemple. Ah oui, l'une des thèses, évidemment, mais je ne suis pas le premier à l'avoir dit, c'est que la seconde moitié du 19e siècle voit la naissance de l'islam politique ou de la politisation de l'islam. Donc c'est aussi une question que je vais étudier dans ce travail. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura lu les 5 tomes de la question de Palestine, ce que je conseille à tous ceux qui s'intéressent à cette région, à Henri Laurence, on ira vous voir au Collège de France pour vos cours. Bah, de toute façon, il y aura une nouvelle série de tomes sur ce sujet. Merci beaucoup, Henri Laurence. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Sierra Leone, pour nous introduire à l'œuvre de notre deuxième invité de ce jour, Marcus Rediker. Marcus Rediker est professeur d'Atlantic History à l'Université de Pittsburgh. Il a publié il y a quelque temps, entre autres parmi ses grands livres, « À bord du négrier ». Une histoire atlantique de la traite dans la collection L'Univers historique, c'était en 2013, et il publie tout juste Les révoltés de l'Amistad, une odyssée atlantique 1839-1842, toujours aux éditions du Seuil. Je suis avec Victor Massé de l'Épinay. Bonjour Victor. Bonjour Emmanuel. Pour vous interroger, Marcus Rediker, première question, pourquoi avoir toujours cet adjectif d'atlantique dans vos titres de livres ou dans vos sous-titres de livres? Est-ce que cette notion d'histoire atlantique est une notion centrale pour vous, Marcus Rediker? Yes, I think Atlantic history is a relatively new field of study. Oui, je crois que c'est un domaine d'étude, un champ de recherche assez nouveau, l'histoire atlantique. That links the history of Western Europe, West Africa, and the Americas. L'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Amérique, l'histoire de l'Afrique, notamment l'Ouest de l'Afrique, qui sont toutes liées par cet Atlantique. Et ça devient de plus en plus prominent, cet intérêt pour l'Atlantique, y compris en France, je crois. Alors, après avoir raconté dans le précédent livre ce qu'était de traverser justement cet Atlantique quand on était un esclave, c'était à bord du négrier, vous vous êtes arrêté sur une figure, une icône, pourrait-on dire, de la révolte, à savoir la révolte des esclaves de l'Amistad. Et quand je dis une icône, Marcus Rediker. Je ne pensais pas si bien dire qu'avant de vous avoir lu, je ne pensais pas qu'il y avait une production aussi nombreuse d'images, de textes, aussi immédiate au moment où ces révoltés de l'Amistad, qui étaient destinés à devenir des esclaves à Cuba, s'emparent de ce bateau dans lequel ils sont, l'Amistad, pour pouvoir repartir chez eux en Sierra Leone. Et en fait, bien, ils sont conduits plutôt sur les côtes américaines. Et là, immédiatement, on a des gravures, on a des images, on a des textes. It's absolutely true that the battle over the meaning of the Amistad case. C'est exact. Il y a eu toute une bataille autour de ces révoltés. Il y avait les forces abolitionnistes et ceux qui soutenaient les esclaves, mais tout a tourné autour de cette iconographie de la rébellion et des rebelles. Autour de New York, il y avait plusieurs journaux, certains plus ou moins éprouvant plus ou moins de sympathie pour les rebelles, d'autres étant plutôt pro-esclavagistes, mais il y a eu une production iconographique formidable. Et ce qui était très impressionnant, c'est que le meneur de cette révolte, qui s'appelait Cinque, ou en Mende, on disait Cinque, il a été dépeint vraiment comme un conquérant et un héros, même s'il avait tué une figure blanche d'autorité, à savoir le capitaine du bateau. Et ça a rendu fou les esclavagistes, et ça a vraiment donné de la puissance au mouvement abolitionniste. Victor Massé de l'Épinay. Oui, ce qui est intéressant, Marcus Rediker, c'est que certaines images de Cinque, justement, je pense en particulier à une gravure que vous expliquez un peu, de John Warner Barber, montre Cinque en train de tuer le capitaine Ferrer. Ce graveur était plutôt pro-esclave, ou du côté des esclaves. Mais cette gravure a été un peu équivoque, et les abolitionnistes ont préféré mettre en avant d'autres figures. Il y a eu toute une lutte autour des images pour finalement arriver, et peut-être vous pouvez nous la décrire, à une image de Nathaniel Jocelyn, je pense que c'est comme ça qu'on dit, qui nous montrait un autre Cinque. Cette figure de Cinque a été au cœur du débat iconographique, on peut dire. Yes, one thing we must keep in mind is that even the people who were sympathetic to the Amistad rebels, même les gens qui avaient de la sympathie pour les révoltés de l'Amistad, ils voulaient quand même faire un petit peu d'argent en vendant toutes ces images, ces gravures. Il y a toujours eu un aspect commercial dans la circulation de ces images, et ils pensaient que en le dépeignant comme un héros conquérant, ça ferait acheter les journaux. Et Barber, de même, bon, il espérait qu'on achète sa brochure. Les abolitionnistes qui se rendaient dans la prison où se tenaient les captifs avaient peur de ces images de déchaînement de la violence. Ils avaient peur que ce soit contre-productif et que ça nuise à leur cause. Et de ce fait, ils ont fait appel plutôt à des artistes assez populaires qui sont sortis avec ces images de héros qui ont une grande popularité. Et les abolitionnistes ont fini par commander ce tableau de Nathaniel Jocelyn. Et ça, c'est l'opposé de la violence. Cinque, il est en Afrique. La toile de fond est pleine de sérénité. Et on le dépeint de retour en Afrique après son émancipation. Et c'est le genre d'image que les abolitionnistes ont cherché à faire circuler. Alors, expliquez-nous comment ces 53, je crois, ils étaient 53, dont 4 enfants, ces 53 esclaves venus du Sierra Leone, arrêtés à Cuba, se révoltent-ils, et comment, au bout du compte, ils vont devenir une cause américaine? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est comment, parti d'Afrique, arriver dans un univers qui est un univers espagnol ou issus de l'Empire espagnol, ils vont devenir une véritable cause américaine, au point que 3 jours ou 4 jours après leur arrivée aux États-Unis, il y a déjà une pièce de théâtre qui est créée sur leur mutinerie, avec piraterie, mutinerie, meurtre, etc., au Bowery Theatre de Seattle de New York. This was one of the more surprising things about oui, ça c'est un des faits les plus étonnants que j'ai pu découvrir au cours de mes recherches. Je me suis aperçu de l'immense popularité de cette cause. Il faut bien se rappeler que les États-Unis, c'était la puissance esclavagiste la plus grande au monde. Nat Turner avait lancé une révolte anti-esclavagiste dans l'État de Virginie, ce qui a répandu une terreur littéralement dans ce pays. Et il craignait beaucoup, justement, qu'un révolté, qu'un esclave en révolte puisse faire figure de héros. C'était leur pire cauchemar. Mais tout cela a été rendu possible parce que Sinke et ses compagnons n'étaient pas des esclaves américains. Et les esclavagistes qui les avaient incarcérés n'étaient pas américains non plus. Les rebelles étaient africains et les marchands d'esclaves étaient espagnols. Donc, quelque part, ça les bordait un petit peu, ça repousser ce qui pouvait leur faire peur et les atteindre. Mais cette distinction n'était pas acceptée par les esclavagistes. Ils savaient bien que même s'il s'agissait de la révolte d'Africains, il y aurait un effet subversif considérable et que ça risquait de faire traîner de poudre et éveiller des envies de révolte parmi les esclaves américains. Victor Massé-Dépiné. Il y a quelque chose de très intéressant dans votre livre, Marcus Rediker, c'est que vous faites non seulement de cette histoire de l'Amistad une histoire américaine, mais vous en faites véritablement aussi une histoire africaine, puisque avec des nouvelles sources que vous avez découvertes, avec le voyage en Sierra Leone que vous avez fait en 2013, je crois, vous avez pu retracer les parcours non seulement de Chinkwe, mais aussi de pas tous les révoltés de l'Amistad, mais plus d'une vingtaine. On sait maintenant précisément qui ils étaient, quel nom ils avaient, de quel groupe ethnique à quel groupe ethnique ils appartenaient. Et ça aussi, c'était quelque chose que déjà au 19e, certains artistes, je pense à William Townsend, dont vous parlez dans votre livre, avaient essayé de mettre en avant une personnification, une individualisation de cette révolte. I think it was, you're right. It was the abolitionist strategy. Vous avez raison. Il s'agissait d'une stratégie de la part des abolitionnistes. Il fallait humaniser ces révoltés et anciens esclaves. Il fallait les humaniser, les individualiser, personnaliser pour faire que les gens puissent s'identifier à eux et soutenir leur cause. Mais les abolitionnistes américains souvent ne comprenaient pas grand-chose à la culture africaine. D'où venaient ces personnes. Notamment, ce qui leur déplaisait, c'est qu'ils n'étaient pas chrétiens, qu'ils étaient des païens. Et ça a créé certains conflits autour de la question de la chrétienté. Mais à mon avis, la clé pour comprendre cette rébellion de l'Amistad, c'est justement l'origine de ces Africains qui avaient été maintenus captifs. Ils étaient initiés à l'art de la guerre, c'était des guerriers et ils avaient un sens de l'organisation qu'ils avaient puisé de leurs mœurs en Afrique qui les a considérablement aidés. Oui, vous travaillez en particulier sur une société secrète qui, en Afrique, dans la région justement de ce qui est actuellement la Sierra Leone, permettait aux jeunes hommes, en particulier aux jeunes guerriers, la société du Poro, de se rassembler, de discuter entre eux. Et vous faites le lien entre cette société secrète et la façon dont s'est passée la révolte de l'Amistad. One of the main questions that I had going into this project was. Une des principales questions à laquelle je voulais répondre avec cette recherche, c'était précisément celle-là. Comment les rebelles ont-ils pu s'organiser? De quel modèle organisationnel africain avaient-ils pu s'inspirer alors qu'ils étaient captifs dans la cale de l'Amistad? Et il m'est apparu que tous en Afrique appartenaient à une le Poro, c'était une société d'hommes qui jouait un très grand rôle dans la gouvernance des villages. Et cette société secrète, c'était le forum où se décidait de faire la guerre ou pas. Donc, on peut imaginer ces esclaves enchaînés dans la cale qui délibèrent, qui discutent et qui prennent la décision comme ils le faisaient dans ces réunions secrètes du Poro en Afrique. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous expliquez que, en fait, ces esclaves arrivaient à Cuba et cabotant sur la côte cubaine avant de faire leur révolte, ces esclaves n'ont qu'une envie, c'est de retourner chez eux. Et on a souvent, dans l'histoire de l'esclavage et dans l'histoire même des rapports entre les États-Unis et l'Afrique, le nom de Marcus Garvey comme étant le nom de celui qui, le premier, a pensé à ce retour des anciens esclaves dans leur pays d'origine. Et là, en fait, on a une sorte d'archéologie, pourrait-on dire, de cette envie de retourner chez soi, c'est-à-dire qu'à peine embarqué sur le bateau, leur envie, c'est de retourner immédiatement chez eux, comme une sorte d'archéologie de la tentative de Marcus Garvey de faire repartir les Noirs américains vers l'Afrique. It's a very interesting idea to think about the. C'est une idée intéressante. Et quand on voit la détermination des révoltés de l'Amistad de rentrer chez eux, on peut y voir effectivement les prémices de ce mouvement de retour des Afro-Américains en Afrique. Mais il y a eu aussi un mouvement, c'était la Colonization Society, qui s'est efforcé de rapatrier les Afro-Américains une fois qu'ils étaient libérés, et bien de les aider à se rapatrier en Afrique, notamment au Libéria. Et ce projet a quelque chose de fascinant, c'est que les Afro-Américains, eh bien, ils n'ont pas été d'accord, ils n'ont pas voulu faire partie de ce projet. Ils ont dit, ben non, c'est nous qui avons construit ce pays, les États-Unis, maintenant c'est notre pays, et on veut conquérir la liberté sur cette terre qui est maintenant la nôtre. Donc il y a le côté américain, mais aussi le côté panafricain, et tout ça est fort intéressant à observer. Victor Massé-Dépinay. Alors dans la genèse de cet ouvrage, Marcus Rediker, il y a donc, je l'ai dit tout à l'heure, votre voyage en Sierra Leone il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez découvert là-bas? Alors au-delà du, mais vous allez nous en dire un mot, du fort de Lomboko, qui était une sorte de prison pour les esclaves avant d'être embarqués dans les bateaux négriers. Vous avez découvert là-bas que le travail de terrain, vous l'avez expérimenté du moins, que le travail de terrain était irremplaçable en Afrique, pour comprendre cette histoire de l'esclavage qu'on a souvent eu tendance à regarder uniquement du côté américain. Yes, we went. A group of historians went with a film crew. Oui, nous étions tout un groupe d'historiens avec une équipe de tournage. Nous nous sommes rendus en Sierra Leone en 2013 avec 2 objectifs. D'abord, nous rendre dans les villages dont venaient les révoltés de l'Amistad. Nous y rendre en compagnie d'un traducteur et de réunir tous les anciens des villages et les interroger pour voir s'il y avait encore des souvenirs qui avaient pu survivre par la tradition orale. On s'est aperçu que dans certains villages, toute cette histoire avait été oubliée. Dans d'autres, on s'en souvenait vaguement. Mais heureusement, on a trouvé 2 villages où les gens se rappelaient d'événements autour de cette histoire et même des choses nouvelles qu'on a découvertes, qu'on avait trouvées dans aucun autre document ou source. Notre autre objectif était de redécouvrir cette forteresse de Lomboko sur la côte de Galina. Où on gardait enchaînés les esclaves avant de les faire monter à bord des bateaux. Ça faisait 50 années qu'on recherchait les vestiges de cette forteresse. On a eu beaucoup de chance. On a interrogé des pêcheurs le long du fleuve qui savaient où se trouvaient ces ruines. On est monté à bord de pirogues très déglinguées. On a traversé des marécages entre les palétuviens pleins de crocodiles et ils nous ont emmenés dans ce lieu. Et puis nous avons eu l'occasion de rencontrer un homme très intéressant. C'était quelqu'un qui appartenait à la société secrète des guerriers et c'était cette société qui conservait la tradition des guerriers Mende. Et la plupart des révoltés de l'Amistad étaient d'ethnie Mende. Et il nous a dit que pour lui, la pierre angulaire de cette révolte, c'était vraiment l'appartenance des révoltés à la société secrète du Poro. C'est ça qui leur a donné la force. Ça veut donc dire, Marcus Rediker, que lorsqu'on est un historien d'une période ancienne comme celle à laquelle vous vous intéressez, les 18e et 19e siècles, eh bien, il faut pour autant ne pas négliger le travail de terrain, il faut se rendre pour voir les lieux, en l'occurrence, et ces lieux vous parlent. Absolutely right. It was very important to us to get a sense of place. C'était capital pour nous de sentir les lieux, la géographie, sentir la culture de cette région dont venaient les révoltés de l'Amistad. C'était tout à fait essentiel. Et bien sûr, ça nous a permis de comprendre plus en profondeur toute cette histoire. Nous avons bénéficié d'un accueil très chaleureux. Les gens sur place avaient envie de nous parler de cette histoire. Un de mes collègues a dit, ben oui, ce film, ce documentaire, c'est vraiment l'histoire d'en bas en action. Merci Marcus Rediker, merci à FDR qui vous a traduit pour cet entretien en direct à la Fabrique de l'Histoire. Et je rappelle que Les Révoltés de l'Amistad, une odyssée atlantique, 1839-1842, est traduit de l'anglais par Aurélien Blanchard et est publié aux éditions du Seuil. C'est un vrai plaisir de vous avoir reçu et n'hésitez pas à revenir dès que vous repassez par Paris, ça sera un grand plaisir de discuter plus longuement encore avec vous. On va continuer avec vous, Victor Massé de l'Épinay, pour annoncer le reste de cette semaine consacrée aux images de la révolte et en particulier le documentaire que vous avez réalisé avec Anne Fleury demain. Oui, demain, on s'intéresse à une révolte bretonne, une révolte beaucoup moins documentée que celle de l'Amistad et beaucoup moins connue aussi. Il n'y a pas eu un film de Spielberg. J'aurais aimé demander à Marcus Rediker ce qu'il avait pensé du film de Spielberg. Beaucoup de mal, visiblement. Oui, j'ai l'impression. Mais donc, une image pour laquelle il y a une révolte pour laquelle il y a une image, c'est un tableau qui est au musée des Beaux-Arts de Rennes et sur lequel on est allé mener un peu l'enquête pour savoir ce qu'il nous racontait. Et là, en l'occurrence, une partie de cette enquête qu'on écoutera plus longuement demain. Donc, c'est Guillaume Caseroni, qui est le conservateur du Musée des Beaux-Arts, qui nous guide dans les réserves. Qui est dans les réserves, voilà. Alors, dans le musée, il y a une pièce qui est consacrée uniquement à la documentation des œuvres. Donc, ce sont des dossiers roulants, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on va à lettre C pour Chalette. Pour le XVIIe siècle, donc on prend le dossier qu'on va regarder dans mon bureau. Dans ces dossiers d'œuvres, il y a toujours les mêmes sections. Il y a un dossier pour les constats d'état, donc ça c'est tout ce qui concerne l'état de l'œuvre. Et après, il y a les sections très traditionnelles, bibliographie, donc là vous voyez un petit article sur l'impôt, avec le tableau qui est reproduit. Donc c'est censé être complet. Il y a une section sur l'attribution donc de qui est le tableau. Donc là, il n'y a pas vraiment de problème parce que le tableau est signé. Une section analogie. Analogie, c'est un dossier où on met toutes les œuvres qui ont un rapport avec notre tableau. Donc par exemple, la gravure de Heemskerk est en photocopie dans cette partie du dossier. Donc voilà. Donc ce dossier sur le tableau de Chalette n'est pas très épais. Vous me montrez tout à l'heure des dossiers. En fait... C'est un dossier qui est dans la moyenne, dans la bonne moyenne. C'est pas le dossier de la chasse au tigre de Rubens, de la descente de Croix de Lebrun, et puis surtout du nouveau-né de Latour, hein, qui est un dossier qui doit faire 1m50 de large. Mais c'est déjà un bon dossier. Il y a des dossiers dans lesquels il y a presque rien. Il y a juste la fiche d'identité du tableau. Donc c'est tout à fait honorable déjà comme dossier. Et puis il continue à augmenter. Au musée de Bretagne, il y a un fac-similé de ce tableau exposé dans le circuit permanent. Ce qui était un peu dommage, parce que vu l'importance de cette image, quand on parle de la révolte du papier timbré, qui est une chose très connue, si on n'avait pas ce tableau, on aurait quoi comme image de cette révolte ? Rien. C'est pour ça que j'ai voulu absolument que l'original soit en salle. Et puis c'est un tableau aussi qui est régulièrement étudié à l'université, qui est connu dans les écoles, et nous on a beaucoup ce public au musée. Donc c'était assez fondamental que les gens puissent au moins le voir qu'il était ici, ce tableau. Voilà un petit aperçu de ce qu'on découvrira demain dans votre documentaire, Victor Massé d'Épinay, avec une réalisation d'Anne Fleury autour de cette révolte du papier timbré et de ce tableau, donc cette peinture du XVIIe siècle. Absolument, de Jean-Bernard Chalette. Jean-Bernard Chalette, puisque vous avez posé une question et que Marcus Rediker est encore avec nous, à propos de la représentation au cinéma des révoltés de l'Amistad, qu'est-ce que vous avez pensé, de très brièvement, Marcus Rediker, de cette reconstitution telle qu'elle a été faite par Spielberg? I thought the film was a breakthrough in certain respects by the depiction bon, of a slave c'était, revolt. Bon, c'était intéressant parce que on dépeignait une révolte d'esclaves, c'était inhabituel dans le cinéma américain à l'époque. En revanche, j'avais de fortes objections quant à la manière dont Spielberg a essayé d'ériger les abolitionnistes blancs en héros de l'histoire et il a repoussé dans l'ombre les héros eux-mêmes qui avaient rendu tout ça possible. Quand l'ancien président américain John Quincy Adams défend les révoltés de l'Amistad devant la Cour suprême, moi je me pose la question, mais qui aurait-il pu défendre si les révoltés n'avaient pas pris leur destin en main et ne s'étaient pas révoltés? Et oui, il en avait fait une histoire américaine, en l'occurrence Steven Spielberg, alors que vous en avez fait une histoire africaine, atlantique, européenne et américaine. Merci Marcus Rediker. On continuera mercredi en nous intéressant à la photographie et l'art de la photographie, Victor Massé de l'Épinay au 19e siècle, qui s'empare aussi des révoltes du 19e et au début du 20e. Ouais, et le cinéma, ça sera jeudi, donc peinture demain, photographie mercredi et jeudi le cinéma. Je rappelle que, outre le feuilleton consacré aujourd'hui à la fabrique de la guerre froide, aux relations tendues entre URSS et Iran, c'était en 1946, nous avons parlé en première partie de cette émission du livre d'Henri Laurence, La question de Palestine, tome 5e, 1982-2001, La paix impossible, et en deuxième partie de cette émission, des révoltés de l'Amistad, une odyssée atlantique, signée Marcus Rediker, aux éditions du Seuil. Merci à toutes et merci à tous. Nous continuons demain et merci surtout à l'équipe technique aujourd'hui, comme d'habitude. Toute cette émission a été préparée par Marie-Vona Bolivier et Aurélie Marcet. Jean-Frédéric était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Et merci encore à FDR pour avoir traduit les propos de Marcus Rediker.